Putain, j'étais en train de parler à Phil et en fait il est pas là. J'étais en train de parler Phil et d'un coup je regarde et il est pas là. Ah ouais, d'accord. Bonsoir. Moi je prends pas de tronçonneuse, je prends des broussailleuses, des tailleuses, des saloperies. C'est pas mal comme ampli Fender, hein. Ça ressemble. Bon, on enlève le vibrato. Que la reverb. Strato. Strat Mexique. Merde, excusez-moi. Thank you. Alors d'après la machine, elle dit que c'est un Fender 65. Twin Reverb. Un 65 Twin Reverb. Pas mal avec... Et il faut que je vous raconte ce que j'ai fait. Il va nous tailler plein de guitares. Et j'ai voulu aller voir un concert. Je sais pas si vous m'entendez. Attendez, là, je vais enlever les effets. Tu la veux sans effet, mais direct sur la table de mixage. Direct sur la table de mixage, ça fait ça, ça va être un peu. Alors là, voilà, c'est direct là. Elle sonne pas. Ah. Ben je vais aller me pendre alors, hein, si elle sonne pas. C'est ce que tu me proposes, que j'aille me pendre. Une guitare mexique qui sonne pas, j'aurai les boules quand même. C'est bizarre, non? Elle sonne pas parce que je sais pas jouer. Je suis sûr que toi tu la ferais sonner. Hein. Écoute, je peux dire qu'elle a de la bouteille pourtant cette guitare. Je l'ai branché direct dans la table, ouais. Eh ben, elle est direct sur la table, ouais. Enfin là, elle est en mode micro line. Attends, je vais te la mettre en mode guitare. Mais bon, ça va pas changer grand-chose.